Oh oui, vous êtes là. C'est la voix des guerriers. Et je te le dis, à chaque fois que je dis le titre, faut que j'y repense parce que j'ai l'impression que je vais me tromper à un moment donné. Mais non, vous êtes là, vous écoutez la voix des guerriers. Et on vous rappelle, soyez avec nous le 24 octobre prochain à 20h heure du Québec, 2h du matin, les petits Français, on se réveille. Oui, dans la nuit, du 24 au 25. 2h du matin, on se réveille, on va être là, puis on va vous aider à vous préparer pour le prochain UFC 104 qui aura lieu à Los Angeles. Ça va être intéressant de vivre ça. Mais avant ça, un petit conseil pour vous. Fred Garcia, l'homme nouvelle, a créé quelque chose d'assez maléfique qui va renverser vos vies à jamais. Et de quoi je parle? Il faut se rendre sur mmnouvelles.com. Vous allez dans la section jeux, il faut s'inscrire sur le forum. Et là, qu'est-ce qui se passe? Un jeu virtuel, vous gagez. Il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Et souvent, quand on dit c'est gratuit, il n'y a pas de frais. Il y a une entourloupette, vous vous faites fourrer à quelque part, puis on va vous chercher de l'argent. Mais là, c'est pas ça. C'est vraiment complètement gratuit. Vous allez là-dessus et vous allez voir, c'est capoté. Vous pariez sur les combats. Dans le UFC 104, là, c'est le temps de vous faire ça dans la semaine. Vous allez avoir le temps là, jusqu'à samedi, mais préparez-vous, mettez vos mises et essayez de devenir le meilleur là, après moi, évidemment. Mais en même temps, je regardais ça, je ne suis pas un grand parieur, mais là, il ne faut pas juste connaître le MMA. Il faut avoir une stratégie derrière tout ça, savoir où placer son argent selon les cotes et tout ça. Alors, qu'on va s'amuser avec ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, les prochaines décennies, jusqu'à temps qu'on ait plus de doigts. Mais dès qu'on va être capable de remuer un doigt, là, mais là, on va pouvoir jouer à ça. Alors, on vous invite à mmnouvelles.com, on sera dans la section jeux, on s'inscrit sur le forum et une nouvelle vie vous attend. Et je te félicite, Fred, pour cette initiative-là. Vraiment, là, ça a l'air capoté tout ça. Oui, c'est très le fun comme jeu. Ça va être super amusant. Puis je suis bien content de voir tout le monde qui s'est inscrit. Ça m'encourage à le continuer. Et il va y avoir beaucoup d'autres aspects de rajouter à ce jeu-là. Ça va être, il va être continué. Plus d'aspects pour gager. J'ai l'intention aussi. J'aimerais ça que les amateurs m'envoient des idées parce que moi, j'en ai plein d'idées. Alors, à savoir, à l'effet d'avoir des pools entre vous autres et tout, pour pouvoir gager entre deux personnes. Alors, envoyez-moi des idées de rajouter au jeu. C'est moi qui l'ai tout programmé. Je peux changer ça à nos goûts. Oui, alors c'est le génie derrière tout ça, l'homme nouvelle Fred Garcia. Alors, évidemment, vous avez des commentaires, des plaintes, des confessions, n'importe quoi. C'est radio, en commercial, mmnouvelle.com. Vous voulez suggérer des choses à Fred Garcia? Bien là, c'est à lui de droit. Vous allez sur mmnouvelle.com, vous allez dans la section contact, et là, vous pouvez discuter avec l'homme nouvelle lui-même et le faire bénéficier de vos conseils. Pour être plus simple, c'est frédéric.garcia à commercial, mmnouvelle.com, entre autres. C'est l'une des manières à laquelle vous pouvez le rejoindre. Alors, on vous incite à le faire. Vous avez plein d'idées, là. Vous lui suggérez ça et il va faire de quoi avec ça à un moment donné. C'est un magicien. Alors, honnêtement, là, ce jeu-là va être intéressant. S'il y a une entreprise là, qui a du sens. Moi, je vous dis, il me semble, greffez-vous à ça, ce jeu-là. Il me semble, là, si quelqu'un veut commanditer, aider Fred Garcia, parce que c'est du solide, ce jeu-là. Honnêtement, là, ça, c'est mon opinion bien personnelle, là, il n'y a personne qui me paye pour dire ça. Mais non, il y a une nouvelle vie qui commence. Oui, si je pourrais juste aussi me faire une petite publicité. Mon jeu que j'ai construit peut être compatible pour à peu près n'importe quel sport. Alors, si vous avez un blog qui couvre peu importe le soccer, le football européen, désolé à mes écouteurs européens, ou le hockey, ou peu importe quel sport, il y a toujours moyen de s'entendre pour vraiment, vraiment pas cher, quelques petits dollars sans joke. Alors, si vous êtes intéressé pour l'avoir sur votre propre site, contactez-moi. Alors, contactez-le. Alors, là-dessus, on rentre dans le vif du sujet. UFC 104, ce sera le 24 octobre prochain, mesdames et messieurs. Soyez-y, il y a une carte intéressante. Et on vous l'a déjà dit, cette soirée-là, nous, de 20h à 21h, on est en émission spéciale. On devrait être en direct, à moins que la Terre ne s'effondre ou que la technologie, nous chie dans les mains. Mais on a confiance et ça va être intéressant. Soyez là en grand nombre, on va avoir beaucoup de plaisir. Et là, d'ici là, on y va, on y va, on va vous nommer les combats, puis on va y aller d'une brève description, sans plus, évidemment, pour une description de la carte avec en profondeur, mais il faut être là. Le samedi 24 octobre, entre 20h et 21h, on aura une émission spéciale seulement sur le UFC 104. Alors, le premier combat de la soirée, le combat principal, le titre des 205 livres est en jeu. Lyoto Machida est en train de le défendre pour la première fois son titre. Lui qui est allé le chercher face à Rashad Evans. Eh bien là, son adversaire sera un Brésilien du nom de Mauricio Shogun Roy qui a fait de très belles années au Pride et qui, à un certain moment donné, on pensait que c'était peut-être le meilleur livre pour livre, mais un incident malheureux lorsque Mark Coleman l'a soulevé puis l'a amené au sol. Le bras il est plié dans un sens où il ne plie pas d'habitude et depuis, il n'a pas peut-être pas redevenu le même Mauricio Roy. Mais là, quand même, il est sur deux belles victoires. Pas des victoires là, à tout casser, pas des performances incroyables, mais de belles victoires face à Mark Coleman et Chuck Liddell, deux membres du temple de la renommée du UFC. Alors, Machida, Roy, qui l'emportera, nos prédictions? Bon, on va le faire également le 24 octobre, alors soyez-y. Pour l'instant, quelles sont les forces de Machida? Quelles sont les forces de Roy? Fred. Je pense que moi, je vois le combat aller comme Machida l'a dit dans une entrevue récemment, où ce que justement les forces de Roy, c'est l'agressivité, et les forces de Machida, c'est quand un combattant, son adversaire est agressif, ça tombe en plein dans son plan de jeu. Alors, selon moi, ça regarde pour une victoire de Machida. Roy est tellement agressif, sauf qu'il pourrait avoir le style qu'il faut pour attaquer et réussir à connecter. Mais Machida est un des combattants où celui, il me semble, qui se fait le moins frapper par combat. On dit souvent ça dans ses combats. Joe Rogan, il nous mentionne que Machida se fait frapper le moins souvent parmi tous les combattants. Alors, il suffit juste que Shogun réussisse à connecter une couple de bons coups, puis ça finit. Mais c'est justement le style que Machida recherche comme adversaire. Oui, c'est vrai, Roy est agressif, mais il est surtout agressif face à des petits Japonais. Lorsqu'il a affronté des gars assez solides, il me semble qu'il est un petit peu plus timide. Alors que Wanderlei Silva, lui, je pense qu'il rentrait dans Brock Lesnar, puis tu sais, sans gêne. Il me semble Roy, lui, est un peu plus timide lorsqu'il fait face à un adversaire plus coriace, je dirais. Puis bon, c'est deux styles différents. C'est le Muay Thai pour Roy, alors que debout, Machida, c'est un style complètement différent. Son père, bon, c'est un maître de karaté Shotokan. Alors, c'est complètement différent. Ça va être intéressant de voir ce mix-là, puis qui va l'emporter. Ça va être un bon combat. Roy, on l'a vu face à des gars, des fois, qui étaient trop bons debout. Ben, il ne se gênait pas pour essayer d'amener le combat au sol. Ça, je pense notamment à un affrontement face à Cyril Diabaté, le Français. Puis lorsqu'il a affronté Alistair Overeem également, lorsque Roy pense qu'il n'y aura pas de succès debout, bien, il essaie d'amener ça au sol. Mais effectivement, lorsqu'il a affronté des petits Japonais, là, il allait de manière agressive, Mauricio Roy. Puis surtout au Pride, à ce moment-là, on pouvait jouer au soccer avec la tête de ses adversaires lorsqu'elle se retrouvait au sol. Et Roy en a profité de maintes occasions. Oui, exactement. J'ai lu beaucoup d'articles cette semaine à cet effet, puis ça va être intéressant parce qu'on n'a jamais vraiment vu ça. Si Roy, admettons, réussirait à sonner Machida, c'est justement la technique que Roy utilise qui me vient en tête la plupart du temps, c'est les coups de pied. Et c'est une technique qu'il n'aura pas le droit d'utiliser, il n'a pas le droit d'utiliser dans l'UFC en Amérique. Alors, c'est un aspect intéressant à voir s'il y a les outils ou il va savoir comment réagir dans une telle situation. Ouais, c'est ça. Puis de toutes les manières, va-t-il réussir à sonner Lyoto Machida? Ce serait. Oh, on va bien en discuter le 24 octobre prochain. Alors, ce combat-là, évidemment, c'est le combat principal. Ça nous intéresse particulièrement. Il y a un titre qui est en jeu. Il y a un gars qui n'a jamais été vaincu qui est là. Évidemment, ça, c'est Lyoto Machida. On a Mauricio Roy qui est encore tout jeune, qui fut jadis un combattant tellement prometteur. Il l'est encore, mais on a encore des interrogations à son sujet. On n'est pas sûr qu'il est revenu au sommet de sa forme lorsque, en 2005 notamment, il avait remporté le prix des catégories des middleweight, là, des poids les 205 livres là, dans l'organisation Pride à ce moment-là, où il y avait défait des gars comme Quinton Jackson, Nogueira, pas le gros du UFC, mais le mi-lourd du UFC, puis Ricardo Arona. Est-ce que Roy il est revenu à son apogée comme à ce moment-là? Ça, on va le savoir la semaine prochaine. Dans un autre combat, on est dans les gros garçons. Cain Velasquez, un petit peu moins gros garçon. Ben Rothwell, oh, ça, c'est un gros garçon. Et oui, 6 pieds et 5 pouces pour Ben Rothwell. 6 pieds et 1 pour Cain Velasquez. J'aime Velasquez, un combattant prometteur. 27 ans dans le cas de Velasquez, 28 dans le cas de Ben Rothwell. Premier combat UFC pour Ben Rothwell. Ça, c'est un combat qui va être prometteur. Oui, ça va être un duel de gros gars, comme tu as dit. Rothwell a bien. Moi, je me rappelle surtout de son combat contre Arlovski, où ce que, il avait perdu, mais c'était bien défendu quand même pour un petit bout. Et Arlovski est un très bon striker. Je pense pas, sauf que Rothwell est dans le top, disons, 5 et même 10 des poids lourds. Alors, c'est une victoire que Velasquez devrait avoir. Et. Pour Velasquez, pour sa carrière, il ne peut pas se permettre vraiment de perdre contre un Ben Rothwell. Rothwell, lui, ça le propulserait parmi les meilleurs. Une victoire contre un Velasquez, c'est un gros nom en ce moment. Alors, ça va être un combat intéressant entre deux gars avec beaucoup d'attributs quand même, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Velasquez, je ne suis pas prêt à dire que c'est le meilleur combattant qu'il va affronter, puisque son dernier, c'est Cheick Kongo, mais je pense que c'est le combattant le plus complet auquel Velasquez aura eu la chance d'affronter. Il me semble que ça va bien dans son cheminement de carrière. C'est une belle étape à passer pour Velasquez. S'il le franchit, bien, il va juste me réconforter dans l'idée que c'est un combattant fort prometteur. Dans les 155 livres, les petits hommes du UFC, Gleison Thibault face à Josh Neer. Thibault, 19 victoires, 16 défaites, il est de l'American Top Team. Josh Neer s'entraîne avec Pat Miletic, le Croate et ancien champion du UFC. Alors, Josh Neer, lui, a 26 ans et il a 25 victoires pour 8 défaites et un combat nul. Il est sur une défaite. Son dernier combat, il avait été défait par Kurt Pellegrino. C'est la même chose pour son adversaire, Gleison Thibault. Lui, il a été défait par Melvin Gaillard. C'est un combat qui m'intéresse, mais pas plus que ça. Moi, Toi, Fred? je dirais simplement que tu as très bien expliqué le combat, puis que sur la carte préliminaire, il y a un certain Yushin Okami qui, lui, il n'a pas perdu récemment. Alors, je comprends pas pourquoi Yushin Okami n'est pas sur la carte principale. Eh bien, là-dessus, on s'entend parfaitement. Joe Stevenson face à Spencer Fisher. On est toujours à 155 livres. Dans le cas de Stevenson, bon, avait subi deux défaites. Il avait reculé dans son cheminement de carrière face à Kenny Florian et Diego Sanchez. Mais par la suite, il est allé chercher une belle victoire face à Nate Diaz. Dans le cas de Spencer Fisher, il est sur trois victoires. Jeremy Stevens, Shannon Gogarty, Karl Uno, ses trois dernières victimes. Fisher également s'entraîne avec Miletic à l'instar de Josh Neer. Et Joe Stevenson maintenant, je pense, s'entraîne avec le camp de Greg Jackson. Oui, exactement. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce combat-là, parce que au dernier combat de Joe Stevenson contre Nate Diaz, j'avais été très impressionné par Joe Stevenson et en même temps déçu par Nate Diaz. Alors, j'ai hâte de voir. À ce moment-là, je m'étais dit que c'était son temps avec Greg Jackson qui a réussi à propulser, si on veut, Joe Stevenson à un autre niveau, parce que j'ai vu un autre Joe Stevenson, moi, contre Nate Diaz qu'on connaissait avant. J'ai vu un gars qui avait une bonne lutte. Il a toujours été bon au sol, mais il s'en est plus servi, si on veut. Et Greg Jackson, c'est le style souvent qu'on va retrouver avec ses combattants, quand on pense à Georges St-Pierre, surtout, là, si on veut. Alors, j'ai hâte de voir Joe Stevenson s'il va continuer à évoluer bien avec un entraîneur, si on veut, que j'aime bien, vu que c'est l'entraîneur de Georges St-Pierre. Par la suite, on va dans la catégorie de Georges St-Pierre. C'est un combattant qu'on trouve prometteur, moi et toi, Fred. Anthony Johnson, il a 25 ans seulement. Il a une fiche de 7 victoires pour 2 défaites. dont une défaite par soumission et l'autre défaite très discutable peut-être parce que c'était plutôt dû à une blessure. Alors, c'est pas nécessairement une véritable défaite. De toutes les manières, il l'a vengé cette défaite-là face à Kevin Burns. Alors, Anthony Johnson qui s'entraîne avec. Celle contre soumission, t'as-tu devant toi, c'était contre qui? C'était-tu contre Clementi, c'est ça, ou? Oh oui, c'est ça, OK. direct dans le milieu. Parce que je lisais cette semaine, justement, à cet effet. Alors, tu parles de celle de Kevin Burns, mais je vais parler de celle de Clementi, moi, où ce que je lisais, c'est un combat qu'il avait pris à short notice, à courte durée, si on veut, là. Il a été averti à dernière minute. Et Anthony Johnson est un gars qui perd beaucoup de poids. Justement, cette semaine, il y avait un article à l'effet que le gars coupe 50 livres pour son combat. Et contre le combat pour Rich Clementi, il n'avait pas réussi à faire le poids, justement. Et il avait perdu un paquet d'énergie en essayant de faire le poids requis. Ce qui aurait pu affecter sa performance, si on veut, contre Rich Clementi, parce que perdre du poids, c'est pas évident, ça draine l'énergie. Anthony Johnson, je l'aime beaucoup comme un potentiel opposant à Georges St-Pierre, mais je reviens justement au fait que je ne sais pas s'il va pouvoir combattre à 170 livres toute sa carrière. Il est encore jeune et son corps va peut-être encore prendre un peu plus d'ampleur. Tu sais, il va pas grandir ou quoi que ce soit, mais ses muscles, on ne sait jamais, ils peuvent grossir encore un peu. Alors, je ne sais pas s'il va réussir à rester à 170 livres toute sa carrière. Alors ça, c'est à suivre. Et sous ces belles explications-là, je pense qu'il faut qu'on se dise. Il y a tout le temps une histoire derrière une défaite. Et des fois, puis moi, je suis un peu trop rapide des fois à me fier trop aux fiches. Alors là, grâce aux explications de Fred, on se rend compte qu'Anthony Johnson, 7 et 2, deux défaites, mais avec des histoires qui nous expliquent un peu son cheminement de parcours et qui peut-être nous donnent à penser qu'effectivement, à 170 livres, là, si il est capable de maintenir ce poids-là, c'est peut-être un adversaire potentiel à notre ami Georges St-Pierre. Mais pour l'instant, Anthony devra se concentrer sur Yoshioki Yoshida, le petit japonais qui a 11 victoires et 3 défaites. C'est une ceinture noire, quatrième degré de judo, 35 ans, ça c'est son âge. Il vient de soumettre Brandon Wolf par guillotine. Et avant ça, par contre, c'était en décembre 2008. Oh, que Josh Koscheck l'avait knocké de manière percutante. Yoshida s'était ramassé au sol. Puis on l'avait sorti sur une civière. C'était pas beau. Mais là, espérons qu'il est en forme. Puis on va voir Anthony Johnson quand même. Il va pas être facile à amener au sol, mais Yoshida, c'est une ceinture noire, quatrième degré de judo. Voyons voir comment tout ça va se dérouler. Oui, ben moi ça va être intéressant parce que Yoshida est rendu aussi avec Greg Jackson. Alors je vois, d'après moi, Anthony Johnson va gagner parce que je vois beaucoup de potentiel en lui là. Mais le fait Greg Jackson apporte Un petit un plus. wild card si on veut, Oui, une mais en carte même temps. privée. Oui, effectivement. Mais. T'sais, Ray Johnson, effectivement, c'est un camp très respecté, mais je pourrais bien aller m'entraîner là, mais quand même, que ça changerait pas grand-chose. Hein? À un moment donné, il fera pas des miracles, notre ami Ah, Greg tu réussiras à me battre en 10 secondes au lieu de 30. Jackson. Oh, peut-être avoir un jour, on se donnera un rendez-vous là, dans une ruelle près de chez vous. Maintenant. Oh, on parlait des combats qui vont être sur Spike TV à 265 livres. Anthony Ardonk, je veux dire dans la catégorie des 265 livres, Anthony Ardonk va affronter Patrick Barry, deux combattants issus du kickboxing. Anthony Ardonk, son idole, c'est Ernesto Houst, champion de K1. D'ailleurs, Ernesto Houst a déjà affronté Jean-Yves Thériault. La légende, là, Jean-Yves Thériault. Ça, c'était la toute fin de carrière de Jean-Yves. Il me semble que Jean-Yves avait remporté une victoire, mais c'était une victoire qu'on lui a peut-être donnée à cause de sa notoriété à l'époque, là, mais en tous les cas, je sais pas pourquoi je raconte ça. Alors, Anthony Ardonk qui a 8 victoires, 5 défaites, 32 ans, 6 pieds et 4, paraît de 250 livres. Il s'est entraîné dans les dernières années avec, pas le moindre, mais Rickson Gracie au sol. Alors, mais bon, tu peux mettre en. Traîner avec Wayne Gretzky, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de la mettre dedans au hockey. Et je pense que ça ressemble à ça, parce qu'Anthony Ardonk, lorsqu'il s'est ramassé au sol face à Cheick Kongo l'a ouvert de tous les côtés. Puis il avait réglé le cas à 2 minutes 29 du deuxième engagement. Alors ça, c'était son dernier combat à Anthony Ardonk. Et là, on lui donne un adversaire, Encore une fois, un bon debout. C'est Patrick Barry, beaucoup plus petit, 5 pieds 11, 235 livres. Alors, un poids lourd à 5 pieds 11, là, Patrick Barry, c'est un petit crapu. Il n'est pas piqué des vers debout, des bonnes jambes. Je me souviens de son combat face à Dan Evanson. Il lui avait découpé la jambe, puis Evanson s'était retrouvé sur le derrière, puis a dit « J'en veux plus de ces coups de pied-là », puis il était reparti chez lui sur une jambe, le pauvre garçon. Alors Patrick Barry, lui aussi, sur une défaite, il avait été défait par le Canadien Tim Hag lors de l'événement Evans face à Machida. Barry a 30 ans, il s'entraîne avec Duke Rufus, le frère de Rick the Jet Rufus, et il s'est déjà entraîné avec Ernesto Hoost également. Il a déjà été un partenaire d'entraînement de Anthony Hardunk. Alors les deux se connaissent bien, les deux aiment échanger debout. Il y en a peut-être un des deux qui va peut-être, je pense, s'il y en a un qui veut le moins rester debout entre les deux, ce sera Anthony Hardunk. Alors on va voir ça. Moi, c'est un combat, je pense, qui va être spectaculaire. Oui, c'est ce qui est intéressant du MMA toujours. Tu vois, les deux gars, je pense que 99,9% des amateurs vont dire qu'ils seront jamais un champion de leur division. Mais il y a un aspect intéressant au duel parce que ça risque d'être excitant. Deux gros cogneurs. Alors, c'est encore la beauté du sport. Ça revient à dire ça. Oui, 205 livres maintenant, ça c'est l'autre combat que vous aurez droit de voir sur Spike TV, où Ryan Bader, le lutteur, face à Eric Sheffer, un combattant polyvalent qui s'entraîne également chez Rufus Sports avec Patrick Barry, et donc avec Duke Rufus. Eric Sheffer, il est là-bas, puis il enseigne, c'est un des coachs de l'équipe Rufus Sports. 6 pieds 3, 32 ans, c'est un bon combattant, polyvalent je dirais, mais pas le meilleur dans aucune des phases du combat, mais polyvalent. Au sol, il y a de l'allure. Debout, il est correct, mais c'est pas un magicien, Eric Sheffer, mais il est allé chercher des belles victoires dernièrement. Quatre consécutives. On pense à Antonio Mendez, Ouston Alexander, William Hill, puis Ryan Antle. Et dans le cas de Ryan Bader, il a battu deux adversaires dans le UFC dernièrement. Carmelo Barrero et Vinny Magalhaes, Ryan Bader a une fiche de 9 victoires et aucune défaite. Ouais, moi, Ryan Bader, j'ai juste vu, à vrai dire, son combat là, de la finale de l'Ultimate Fighter, parce que comme j'ai déjà dit auparavant, je regardais pas beaucoup l'émission. Alors, c'est un combattant que, oui, il a du potentiel, un peu, si on veut. Justement, je vais regarder les plus, apprendre à le connaître dans ce combat-là. Ok, ouais. Dans le cas de Bader, là, de ce que j'ai vu ses deux derniers combats. Une main arrière lourde, un bon lutteur, puis lorsqu'il vous amène au sol, il peut être dangereux, mais il était un peu décevant dans son dernier combat face à Carmelo Moreiro. Alors, en sous-carte, on a un combat très intéressant, à mon sens. Yoshin Okami face à Chael Sonnen. Sonnen, un bon lutteur qui s'entraîne avec la Team Quest. Il a 32 ans. Il vient d'aller chercher une victoire face à Dan Meller. Avant ça, il avait été soumis par Damian Maia. Et dans le cas de Yoshin Okami, des blessures l'ont ralenti qui ont fait en sorte qu'il n'a pas encore combattu en 2009. Mais sinon, des belles victoires, trois successives dans le UFC. Jason McDonald, Evan Tanner, Dean Lister. Alors, voyons voir. Okami, une, deux, trois autres victoires, puis ce sera peut-être un prétendant à la couronne des 185 livres s'il est capable d'éviter la liste des blessures. Ouais, mais pour lui, c'est un peu de valeur, c'est ça, les blessures, parce que il y a un an et demi, on le mentionnait comme pas mal l'opposant potentiel pour Anderson Silva. Est-ce qu'il l'a déjà battu? Oui, c'est vrai. Qualification, Exactement. voilà. Mais je me rappelle que quand Patrick Côté avait eu sa chance, plusieurs avaient dit justement pourquoi pas Okami à ce moment-là. Et comme tu mentionnes, Okami est sur une séquence victorieuse. Alors, c'est un peu de valeur, sauf qu'il affronte Chael Sonnen, qui n'est pas un mauvais combattant, mais c'est pas le genre de victoire qui va faire un éclat et lui dire. Faire que tout le monde va s'y gagner, bien sûr, là. Mais c'est pas le genre de victoire qui pourrait rajouter à son palmarès, si on veut, qui va le mettre tout de suite en ligne pour une chance non plus. C'est ça qui est de valeur. Et il mériterait plus des plus gros combats, si on veut, des opposants à un plus haut niveau. Oui, je connais pas la situation exactement, mais bon, il n'a pas combattu depuis décembre 2008. Des fois, peut-être, je pense à Patrick Côté notamment, lorsqu'il va faire un retour, là, moi, je pense qu'il n'y a pas intérêt à affronter quelqu'un de trop dans le top 5 là, de la catégorie. Pour se remettre en forme, ça prend un bon combattant, là, un bon adversaire, mais peut-être pas le meilleur, là, Oui, parce que peut-être. tu peux pas J'avais pas le pensé timer. à cet aspect-là pour Okami. Moi, c'est plus d'un niveau pour sa carrière. Je trouve qu'il se retrouve pas mal dans un milieu de peloton à cause des adversaires qu'on lui donne. Oui. Bon, on finit ça avec trois autres combats. Georgie Rivera, vétéran de 37 ans, il s'entraîne avec Marc de la Grotte. Il a 16 victoires pour 7 défaites. Il a battu Nissan Osterneck par décision partagée à son dernier combat. Ça, c'était le 1er avril. Là, il va être confronté à Rob Kemmons, qui s'entraîne au gym de l'Extrême Couture. Il a 28 ans, il a 22 victoires, il a 4 défaites et il vient de vaincre Joe Vodepo par guillotine, lui aussi le 1er avril. Et lorsque je vous mentionne l'Extrême Couture, là, ça me donne à penser, faut qu'on vous mentionne que Sean Tompkins, le Canadien, qui a entraîné des gars comme, mais qui entraîne toujours des gars comme Mark Hominick, Sam Stout, Chris Clement, Chris Ovechkin, ça c'est tous des Canadiens là, qui ont fait leur bout de chemin en MMA, qui le font encore actuellement. Bien, il vient de quitter l'Extrême Couture. Il était là coach en chef, je crois. Surtout, c'est un coach bon, du debout, là, pieds et poings, Sean Tompkins. Et bien là, il a quitté. Il va rester à Las Vegas, mais aller dans un autre gym, le Tapout quelque chose. Là, je ne me souviens plus du nom exact. Alors, pour Sean Tompkins, son aventure avec Couture, c'est terminé. Je ne sais pas ce qui va devenir de ses relations avec, on l'a vu dans le coin notamment, de le Brésilien là, qui va affronter Anderson Silva bientôt, dont je viens de son nom vient de se perdre dans mon cerveau, le jeune prodige Vitor Vitor. Belfort. C'est ça. Alors, j'ai bien hâte comment tout ça va se dérouler parce que quand même, il était là dans plusieurs combattants de l'extrême couture. Voyons voir s'il y en a plusieurs qui vont le suivre, qui vont suivre M. Tompkins, qui bon, il a plus sa réputation maintenant n'est plus à faire dans le domaine du MMA. C'est l'un des coachs les plus respectés. Puis d'habitude, ces combattants ont tout le temps un conditionnement physique impeccable. On n'a qu'à penser à Mark de Machine Dominique qui est venu souvent ici combattre pour TKO et toujours dans une forme spectaculaire. Avant-dernier combat, on est dans la catégorie des 205 livres. Kyle Kingsbury, 27 ans, 6 pieds 4. Ce sera son premier combat en 2009. Il a 7 victoires pour 2 défaites et un combat nul. Il est sur 2 défaites, dont sa dernière face à Tom Lawler. Et il sera opposé à Razak Al-Hassan, un gars de Taekwondo. 7 victoires pour 1 défaite, mais sa défaite, ça fait mal. Parce que Steve Cantwell, ça c'était au UFC Fight for the Night en décembre dernier. Bien là, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais Cantwell, lui, avait pris lié le bras, là, une clé de bras majestueuse, et Hassan n'a pas eu l'idée de taper, et le bras a plié dans un sens où d'habitude on n'est pas habitué de voir plier dans ce sens-là, et là, il sera de retour. Oui, ça va être intéressant. Moi, je suis un très grand fervent de faux taper. Regarde, dans les dernières semaines, là, on a vu des exemples avec Roger Huerta, Ben Anderson, où ce que les gars n'ont pas tapé, puis justement, ça, il n'y a rien arrivé. Mais dans le cas de je veux pas maganer son nom, alors je vais juste l'appeler Razak. Il aurait dû taper parce que là, regardez, c'est 10 mois qui a passé, 10-11 mois sans combattre. Ça fait mal à une carrière. Oui, il a démontré beaucoup de courage ou beaucoup d'inconscience. En tout cas, peu importe. Moi, j'ai pas aimé ça voir ça, honnêtement. C'est Non, pas beau à voir. exactement. Moi, Ça a torché ma soirée. que ça soit Huerta ou Anderson derrière moi, je me suis tassé à la tête à un moment donné. Ben, je voulais pas voir ça, là. Juste entendre le commentateur le dire aurait été assez. Maintenant, oh, on a un grand garçon de 6 pieds 11, il n'a seulement que 21 ans, alors peut-être que s'il mange ses petits légumes, il va peut-être prendre un pouce ou plus encore, puis dépasser les 7 pieds, mais peu importe, c'est Stéphane Struve, le Hollandais, que je trouve plutôt poche. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Bon, on a besoin d'un Hollandais dans l'UFC, je ne sais pas. 6 pieds 11 pour 248 livres. Il a 17 victoires, dont 3 défaites. 13 de ses 17 victoires par soumission. Dans le UFC, il a une victoire et une défaite. Sa défaite, vous vous en rappelez, c'était face à Junior Dos Santos. Et dernièrement, il a vaincu Denis Stojnic. Il n'est pas nécessairement le meilleur des poids lourds du UFC. Alors là, il sera opposé à un nouveau venu dans le UFC qui a une fiche de 6 victoires pour aucune défaite, qui est grand, il fait 6 pieds 3, mais face à Stéphane Struve, il aura l'air d'un nain, et j'ai nommé Chase Gormley. C'était beau ça! Et c'est terminé. Vous voulez en savoir plus? Vous suivez MMAnouvelles.com pour savoir tout ce qui va se passer au courant de la semaine pour ce gala qu'on attend tous avec impatience. Le 24 octobre, UFC 104. Et on vous rappelle que cette soirée-là, le UFC 104, là, à 20h jusqu'à 21h, on aura une émission spéciale en direct. Alors, vous allez sur MMAnouvelles.com, puis vous allez voir les démarches à faire pour pouvoir écouter ça en direct. Et on aura beaucoup de plaisir. On va y aller de nos prédictions. Un blé modeste, et c'est ça, hein, parce que ce sera les derniers instants pour participer au jeu virtuel de Paris Sportif de l'ami Fred Garcia, dont vous avez accès également sur MMAnouvelles.com. C'est terminé pour ce UFC 104-là. Il nous reste un sujet, c'est le Dream 12, qui aura lieu le 25 octobre prochain. C'est au Japon. Comme à l'habitude, la carte n'est pas complète, alors on va y aller assez rapidement pour les combats qu'on connaît pour l'instant. Catégorie middleweight, Melvin Manoff, 33 ans, il vient de perdre là, par clé de bras face à Paulo Filho. Il a 23 victoires, 6 défaites et un combat nul. 22 de ses 23 victoires par TKO. Alors, hein, vous aurez compris, debout, il frappe solide l'ami Melvin, mais lorsqu'il s'en va au sol, il peut être en péril, puisque parmi ses 6 défaites, il s'est fait soumettre à 4 reprises. Mais là, il est chanceux. Son adversaire, c'est un Croate de 30 ans. Il s'appelle Zelj Galasic. 4e degré, en ceinture, 4e degré, ceinture noire en taekwondo. Il a 9 victoires pour 4 défaites. Et 3 de ses défaites par soumission. Alors, on comprendra, il n'a pas l'air d'être très bon au sol, malgré que je ne le connais pas. Il s'est fait soumettre par Ronaldo Souza en 2008. C'était dans son dernier combat par clé de bras. Alors, si j'ai bien compris, c'est un gars de taekwondo. Il devrait aimer changer debout face à Melvin Manoff. Oh, Zelj Galasic va manger toute une. Toujours dans la catégorie middleweight, Paulo Filho, qui est le dernier à avoir battu Melvin Manoff, puis il ne savait pas très longtemps. Eh bien, Paulo Filho, lui, il va être opposé au Coréen Dong Sik-yoon. Paulo Filho a 31 ans, il mesure 5 pieds et 8. C'est un petit combattant de taille, mais avec une musculature assez impressionnante. Il a 18 victoires pour une défaite. 8 de ses 18 victoires par soumission. Au sol, c'est un maître. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Paulo Filho est dangereux. Il a soumis Melvin Manoff, Ryo Chonan et Kazuo Masaki, tous les trois par armbar. Puis il a soumis 5 autres en plus de ça. Il vient de vaincre Melvin Manoff, comme j'ai dit précédemment, et Alex Schanauer. Ça, c'était où, l'événement là, qui a eu lieu en septembre au Brésil, BTT quelque chose, et c'était par décision. Alors là, son adversaire a 37 ans, c'est un Coréen, il a 4 victoires pour 7 défaites. On regarde ça, puis on se dit, on dirait une victime. Et, par contre, il ne s'est jamais fait soumettre. Alors là, on se dit, oh, peut-être qu'il y a des chances. Parce qu'à chaque fois qu'il a mangé une volée, Dong Sik-yoon, c'était surtout debout. Parce que c'est un gars de judo, alors il est capable d'amener son rival au sol. Au sol, il est capable de se débrouiller, mais debout, il n'est pas bon. Mais il a déjà battu Melvin Manoff, par contre, par armbar Dong Sik-yoon. C'est peut-être sa plus belle victoire à son palmarès. Je me rappelle dans son premier combat que j'ai vu, moi, c'était face à Sakuraba au Pride. Puis Sakuraba lui avait réglé le cas à 38 secondes. C'était assez un spectacle misérable, cet affrontement-là. Mais là, Dong Sik-yoon, en plus, c'est une séquence de 3 défaites consécutives. Alors, ça va pas bien. Il y a vraiment l'allure d'une victime. Catégorie des 155 livres, Eddie Alvarez, 18 victoires et 2 défaites. Alors, un bon palmarès pour Alvarez, puisque ses 2 défaites, bon, c'est face à Shinya Aoki, ça c'était dernièrement, clé de talon, ça avait l'air à faire mal, et face à Nick Thompson. Alors, c'est pas des noms qu'on connaît pas. Des gars implantés, surtout Thompson, c'est pas 155 livres vraiment. Alors, il est devenu, en plus, Eddie Alvarez, le premier champion du tournoi Bellator dans la catégorie des poids légers, puisqu'il a battu Toby Imada le 18 juin passé. Et la Bellator va revenir, je pense, incessamment. Apparemment, ça a eu du succès, cette affaire-là. Et là, il sera opposé au japonais Katsunori Kikuno, qui a 27 ans. Il a déjà 12 victoires, une défaite et un combat nul. Et il a obtenu 12 victoires par TKO. Finalement, Kuniyoshi Hironaka, ça vous dit peut-être rien, mais pourtant ça devrait vous dire quelque chose, puisqu'il a déjà affronté Jonathan Goulet au Centre Bell, c'était en 2008, dans le combat de la soirée, et c'est Jonathan Goulet qui l'avait remporté le combat avec des renversements de situation. Jonathan Goulet en problème, mais belle fin, puisque Goulet l'avait remporté par TKO. Alors, le Japonais de 15 victoires, 16 défaites sera opposé à un gars que j'ignore qui c'est. Il s'appelle Wonsik Park. Je suppose que c'est un Coréen. Finalement, Chase Beebe affrontera Yoshiro Maeda, deux gars qu'on a vus dans la WEC. Chase Beebe a 12 victoires, 4 défaites pour un combat nul. Dans la WEC, il a 2 et 2. Yoshiro Maeda, lui, a une fiche cumulative de 25, 7 et 2, et dans la WEC, 1 et 2. Alors, voyons voir ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'organisation Dream. Et là, vraiment, finalement, pour de vrai, Marius Zaramski de la Lituanie, 29 ans, 12 victoires, 3 défaites. Il est sur une belle séquence de 4 victoires, dont les deux dernières par TKO grâce à des super kicks percutants qui avaient notamment dévasté Hayato Sakurai et Jason Hayes. Ça fait pas très longtemps de ça. Et son adversaire, le japonais très expérimenté, le vétéran de 39 ans, Kiyoshi Tamura, 33 ans, 13 33 ans, 33 victoires pour 13 défaites. Il a deux combats nuls. Il vient de battre Sakuraba et Masagatsu Funaki, deux légendes japonaises. Et d'autres participants qui devraient faire partie de la carte, on pense à Alistair Overeem, Daisuke Nakamura, Mion Obey et peut-être deux ou trois autres noms, on ne le sait pas, mais la carte est à confirmer. Je vous invite à suivre mmnouvelles.com au cours de la semaine. Oui, ça, c'est ce qui est un peu décevant. Je trouve qu'à 7 jours, on n'avait pas plus d'informations que ça à savoir c'est quoi les combats, là. Mais il y a quelques noms intéressants. Je pense pas que ça va être des noms qui vont faire que je vais me réveiller à 3 heures du matin pour regarder ça en direct, là. Mais il y Non. a des combats que je vais regarder le lendemain matin, c'est sûr. Oui, il faut dire que Dream là, a présenté deux événements successifs. Là. Il y en a un autre là, dont on vous a donné les résultats la semaine passée. Là, on a fait un vite encore, mais le gros événement sera le 31 décembre prochain. Et ça va valoir une émission spéciale peut-être, parce que il y aura des noms intéressants. Ça va être d'habitude des spectacles émouvants que Et nous offrent les Japonais le 31 décembre. plusieurs cafés. Oui, plusieurs petits cafés. Ah, oh, c'est terminé, Fred. Et on a déjà hâte à samedi prochain, notre émission spéciale entre 20h et 21h. Beaucoup de plaisir à prévoir. Pour l'instant, durant la semaine, on vous invite à aller jouer sur le jeu virtuel pour parier qui sera le gagnant. Beaucoup de plaisir qu'on va avoir avec ça au cours des prochaines semaines, là, et au cours de l'année, au cours du restant de votre vie. Alors allez voir ça, mmnouvelles.com, dans la section jeux. C'est le temps de faire vos paris. Nous, on les a faits, mais la semaine prochaine, on va y aller avec nos prédictions lors de notre émission spéciale. Évidemment, mes prédictions sous l'approbation de ma voyante Gisèle. Fred va se mouiller aussi. Mon petit, qu'on va avoir du fun. J'ai hâte à ça. Et pour l'instant, moi, je vous invite à vous suivre mmnouvelles.com pour tous les déroulements de la semaine et tous les chambardements qui vont se dérouler. Puis, c'est un rendez-vous pour samedi prochain, 20h à ne pas manquer. Fred, le mot de la fin. Ah, une bonne semaine à tous et j'ai hâte à samedi parce que là, ça fait quelques semaines, il me semble que les combats qu'on a, c'est des combats mineurs. Et là, finalement, on part sur une vraiment belle séquence qui va continuer jusqu'en 2010. Il y a plein de galas à venir. Alors, ça va être intéressant. Youhou! Salut!